La nuit te fait pas. Et tout seul dans le noir, tu marches et tu pleures. Tu marches et tu pleures. Tu marches et tu pleures.